Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. Alors, si je vous dis Grand Canyon du Colorado, vous avez certainement des images qui vous viennent à l'esprit, peut-être même des souvenirs de voyage. La question que je vous pose maintenant est, quand cette crevasse dans l'écorce terrestre s'est-elle formée? Notre chroniqueuse Mélanie Jean va nous donner la réponse et nous faire une visite commentée de ce canyon. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Et comme tu l'as dit, en fait, on se questionne depuis très longtemps sur l'âge exact du canyon. Et la théorie la plus communément admise jusqu'à maintenant, elle faisait remonter la naissance de ce célèbre canyon à environ 5 ou 6 millions d'années. Mais le moment de sa formation est depuis longtemps vraiment contesté. Et selon une étude qui a été publiée en novembre dernier dans la revue Science, bien la formation du Grand Canyon serait beaucoup plus ancienne que ce qu'on aurait estimé jusqu'à aujourd'hui. Alors, il est donc beaucoup plus vieux que ce qu'on en croyait jusqu'à maintenant. Oui, en effet, le Grand Canyon daterait de plus de 70 millions d'années. Oh. Donc, ce dernier aurait été déjà présent à la fin de l'époque des dinosaures qui sont disparus il y a de ça 65 millions d'années. Et pour arriver à cette trouvaille, eh bien, les chercheurs ont analysé la quantité d'hélium qui est produite par la désintégration radioactive de l'apatite. C'est un minéral qu'on retrouve à cet endroit. Ainsi que la distribution spatiale des atomes d'hélium qui sont prisonniers dans des cristaux de cette roche. Ils se sont concentrés sur les roches anciennes qui sont trouvées dans la partie ouest du canyon. Et profitant de cette découverte importante sur le Grand Canyon, j'avais donc décidé de vous proposer un bref voyage dans le passé afin de redécouvrir là, l'une des plus grandes merveilles de la nature. Alors, est-ce que tu peux nous décrire brièvement la formation naturelle qui compose le Grand Canyon? Oui, le Grand Canyon est situé dans le nord-ouest de l'État américain de l'Arizona. Il a été déclaré parc national en 1919 et il a été ensuite reconnu patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1979. Ce qui est quand même assez récent, là. Oui. Et il est traversé par le fameux fleuve Colorado que la majorité des gens connaissent et qui est très populaire en passant pour le rafting. Oui. Et chaque année, le parc national du Grand Canyon est fréquenté par pas moins de 5 millions de visiteurs qui viennent s'émerveiller devant sa splendeur naturelle. Et les dimensions du Grand Canyon, on pourrait dire qu'elles n'ont d'égal que sa renommée, elles sont gigantesques. Mais au fait, au juste, combien de kilomètres, en fait, sur combien de kilomètres est-ce qu'il s'étend le Grand Canyon? Il s'étend sur environ 450 kilomètres de long. Donc, c'est assez énorme. C'est quand même assez long. Oui. Sa profondeur moyenne est de 1300 mètres. Il y a même un maximum, qu'on pourrait dire le plus profond, est de 2000 mètres. Sa largeur va varier de 5 à 30 kilomètres, dépendamment de où on se situe. Et en plus de ses dimensions impressionnantes, le Grand Canyon il est très connu des scientifiques et des géologues, surtout en raison des strates géologiques ou des couches de roches qui sont très facilement observables sur les versants du canyon. C'est un peu ce qui a fait sa célébrité. Oui, puis ça doit faire les délices des géologues. Hein. Vraiment, parce qu'il y a pas moins de 40 couches de roches différentes qui se superposent et qui ont été identifiées. Elles sont composées surtout de calcaire, de grès, de schiste. Ça, c'est des roches sédimentaires qui sont assez friables. Donc, on comprend rapidement pourquoi le fleuve Colorado a pu creuser son chemin quand même assez facilement à travers toutes ces couches de roches. Et en un seul coup d'œil aussi, quand on regarde le Grand Canyon, on peut déduire assez rapidement qu'il est dominé par un climat qui est quand même assez aride et qui varie aussi selon l'altitude. En fait, les températures sont très différentes selon qu'on se trouve au plateau, sur le dessus ou tout au fond du canyon. Oui, parce que j'imagine au fond, ça doit être beaucoup plus chaud qu'en haut. Oui. Hein? En haut, il fait plus froid. Et d'ailleurs, durant l'hiver, c'est beaucoup plus aride et plus difficile en haut qu'en bas. C'est comme si le fond était comme une protection un peu. Oui, tout à fait. Mais au-delà du Grand Canyon, il existe quand même une formation naturelle très importante qui englobe en fait toute la région. Oui, mais il s'agit en fait du plateau du Colorado. On ne peut pas vraiment parler du Grand Canyon sans parler du plateau du Colorado, qui est une formation très importante et un territoire immense qui est aussi aride de 340 000 km². Ça couvre en fait la majeure partie des quatre États du sud-ouest américain, le Colorado, l'Utah, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Et c'est sur ce plateau, qui est d'une altitude moyenne d'à peu près 1600 mètres, qu'on va retrouver la grande majorité là, des célèbres parcs nationaux américains de l'ouest, comme le parc national de Arch, Bruce Canyon, Zion, Glen Canyon, Mesa Verde au Nouveau-Mexique, Capitol Reef et le Grand Canyon, évidemment. Et dans l'imaginaire des Américains, ça c'est toujours particulier, On pourrait dire que c'est la parfaite représentation de la conquête de l'Ouest. Quand on voyage dans ce coin-là, on a l'impression de retourner dans un film western qui ont d'ailleurs été tourné dans plusieurs de ces parcs-là. Mais d'ailleurs, c'est pas dans le parc des Arches qu'on retrouve, en fait, qui est représenté les comics, voyons, de Roadrunner. C'est tourné ça dans les Arches. En fait, c'est tourné dans c'est très inspiré de, ce, inspiré de cette région-là, Arches, oui. C'est ouais. Vraiment, quand on voyage là, on a l'impression d'être venu dans ce pays-là. Et ce plateau, en fait, c'est une énorme formation géologique qui a connu d'ailleurs beaucoup d'activités volcaniques par le passé. Il y a eu beaucoup de volcans actifs dans cette région-là. Et c'est cette activité, qu'on pourrait dire combinée à l'érosion et à la sédimentation, qui a fasciné l'allure actuelle du canyon durant les derniers 400 millions d'années. Et aujourd'hui, évidemment, il n'existe plus de volcans actifs dans la région du Grand Canyon. Soyez rassurés, si vous allez les visiter, il n'y a pas de danger. Toute éruption. La dernière éruption a lieu au sud du Grand Canyon à l'an 1100 après Jésus-Christ, donc de notre ère. Ça fait un petit bout. Cependant, croyez pas que c'est le calme plat parce qu'il n'y a pas d'activité volcanique. En fait, il y en a toujours. C'est une autre type d'activité. C'est en fait la présence de nombreuses failles, l'activité tectonique, en fait, là. qui a affecté puis qui affecte toujours la région du Grand Canyon et aussi l'érosion, évidemment. Mais le Grand Canyon possède bien plus qu'une richesse géologique aussi. Tout à fait, parce que en plus de sa grande richesse géologique, le Grand Canyon possède une diversité naturelle vraiment très importante. Les scientifiques ont recensé pas moins de 355 espèces d'oiseaux, 89 espèces de mammifères, 47 variétés d'amphibiens, 17 espèces de poissons. Donc, c'est un écosystème très unique. Et il y a même plusieurs espèces animales ou végétales qui ne vivent qu'à cet endroit. Mais comme il est très ancien, j'imagine qu'il recèle aussi de trésors historiques. Oui, le Grand Canyon a conservé de nombreux fossiles et les plus anciens même remontent au précambrien. C'est des algues ou des spores qui ont été fossilisés. Pour vous donner une idée, le précambrien, c'est la période qui remonte de la formation de la Terre, donc plusieurs milliards d'années, à environ 500 quelques millions d'années. Okay. Et les paléontologues ont aussi trouvé dans des grottes du Grand Canyon des restes et des ossements d'animaux qui sont disparus aujourd'hui. Et ces témoignages de la faune qui a vécu durant les dernières glaciations sont bien préservés parce que la région est aride. Et ils ont même retrouvé des restes de mammouths qui dataient de l'époque du Wisconsinien. Ça, c'est une période qui se situe entre 85 000 et 7 000 ans avant Jésus-Christ. On a aussi retrouvé des traces de mégafaune. Ça, c'est les gros mammifères qui n'existent plus aujourd'hui, qui vivaient à l'époque glaciaire, là, comme par exemple les fameux tigres à dents de sabre, comme on a dans le film « Air de glace ». OK. Et plus récemment, à quand remonte la découverte du Grand Canyon par la civilisation européenne? Bien, avant l'arrivée des Européens sur le continent, il y avait des gens. Le sud-ouest des États-Unis actuels, il était occupé par une tribu qui s'appelait les Anasazi. C'est en fait une peuplade amérindienne, mais était déjà plus présente à l'arrivée des Européens. Ce sont donc les conquistadors espagnols qui ont découvert les premiers, le Grand Canyon, au 16e siècle. Mais la région est restée assez méconnue jusqu'au moins au 19e siècle. En fait, c'est la conquête de l'Ouest qui a poussé les Américains là, à cartographier les lieux. En fait, en 1869, c'est John Wesley Powell, un vétéran de la guerre de sécession, c'est en fait le premier à avoir descendu le fleuve Colorado en bateau dans le Grand Canyon. On peut dire qu'on lui doit presque un peu la redécouverte du Grand Canyon. Et c'est grâce à ses exploits que d'autres ont eu le goût de s'aventurer et d'approfondir les connaissances sur le Grand Canyon. Et si on regarde ça encore plus près de nous encore, le Grand Canyon a connu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle une exploitation totalement différente de celle que l'on en fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, en effet, il y a de nombreuses compagnies minières qui s'y étaient installées, surtout pour l'exploitation du cuivre. Parce que c'est une région géologique majeure, avec beaucoup de couches sédimentaires, mais on retrouve énormément de minéraux différents, dont le cuivre, qui est assez abondant. Mais heureusement, quand le Grand Canyon a été nommé parc national en 1919, ben là, cette exploitation a commencé à cesser, là, jusqu'à cesser complètement. Et c'est bien, là, quand même. Oui, heureusement, parce que là, récemment, par exemple, il y a des compagnies minières qui ont tourné leur regard une deuxième fois, on pourrait dire, sur le Grand Canyon, parce qu'ils ont découvert qu'elle avait un énorme potentiel en uranium. Puis l'uranium, c'est très en demande mondialement. Mais heureusement, le gouvernement américain a voté une résolution à l'hiver dernier, là, février 2012 environ, pour bloquer les projets miniers. Et ils ont mis une espèce de moratoire pour au moins les 20 prochaines années. Okay. Donc, on touche pas pour les 20 prochaines années au Grand Canyon. Heureusement, parce que là, ça pourrait venir compromettre l'écosystème de ce parc-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des espèces qui sont endémiques, ça veut dire uniques à cet endroit-là, et ça viendrait bouleverser probablement l'écosystème. Uh-huh. Menacer d'extinction certaines espèces. C'est ça. Ouais, c'est ça. Comme cet endroit-là a été décrété, et ça va faire bientôt 100 ans, parc national, il faut vraiment... Mais tu sais, un parc national, ça a été mis en place, en fait, pour limiter au maximum les activités uh-huh. humaines. C'est comme si on mettait une cloche par-dessus un endroit qu'on essaie de le garder intact. C'est ça. Tout en sensibilisant les visiteurs à, tu sais, vous avez le droit de venir, mais faites attention à ce que vous faites. Là. En réduisant votre empreinte. Exactement. Ça. Donc, si vous désirez approfondir vos connaissances sur le Grand Canyon et découvrir plein de photos qu'on a ramenées d'un voyage il y a 5 ans, je vous invite à visiter mon site internet www.maplanetebleue.com. J'y ai consacré un dossier complet là, qui va être en ligne d'ici demain. Donc, je vous invite à faire un voyage virtuel au Grand Canyon. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce ça beau voyage. Ça fait plaisir, François. Alors, nous allons faire une courte pause musicale et après, on vous revient avec Valérie qui va nous parler de nutrition.